seras seul devant ton Mac. Tu vis dans un clip de rap, tout te réussit et tu claques. Mais ce soir en rentrant chez toi, tu seras seul devant ton Mac. Tu vois pour toi, toutes les filles sont nues. Le DJ screw la dance, du champagne et bu. Une caresse sur toutes les fesses, bisous sur tous les culs. La soirée avait du sens, mais tu es venu. Tous les mecs qui courent après en voient incessamment. Ce qui compte, c'est que tu aimes ton rêve. Tu es mignon dans ce rôle et c'est pour cela qu'on t'aime. Tout le monde sait qu'au fond, tu es une petite hirondelle avec des cœurs de toutes les couleurs dessinés sur les ailes. Des pimes comme toi, égothérapie.